attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour. Il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur DAB+, et sur campuslille.com. Et vous êtes à l'écoute d'Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, avec au pupitre, à la maîtrise des horloges, notre docteur en informatique Florent, et qui s'occupera de la pause musicale et des rendez-vous militants à la fin de l'émission, et Christian au micro. Nous ne sommes que deux, certes, mais nous avons quatre invités. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? D'un sujet militant que nous essayons de traiter depuis quelque temps à Roubaix, les transports publics, que nous voulons gratuits pour tout le monde, évidemment. Et pour cela, nous voulons donner des raisons d'agir aux Roubaisiens et aux Roubaisiennes en étudiant leur mobilité. Pour aller vers cet objectif, nous avons eu la possibilité de travailler avec l'Université de Lille en la personne d'une étudiante, Anastasia Danger, étudiante en Master 2, c'est-à-dire Bac plus 5. On vous explique tout ça dans le détail par la suite parce que ça vaut le coup. Anastasia est au téléphone. Elle est au téléphone. De sa campagne natale, où elle prend un court repos après 6 mois de stage, dont on peut dire qu'il a été épuisant et qui s'est terminé juste hier, précisément. Bonjour, Anastasia. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Oui, on a été un peu perturbés là, par un téléphone qui était occupé, comme tu l'as dit. Et donc voilà, maintenant on t'a au téléphone, c'est parfait. Bon, merci d'avoir prolongé tes travaux pour cette intervention au téléphone. Comment te sens-tu ? Très bien et ravie d'être avec vous pour échanger aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, je te présente les autres invités. Escalité, autour de la table, que tu connais d'ailleurs, chargé aussi de questionner ton travail. En la personne de Didier Delinotte, président d'Attaque Roubaix-Tourcoing, où tu as fait ton stage. Éric Verbrakel, également membre d'Attaque et vice-président de la respectable Fédération des Amicales Laïques, où tu as pu travailler ton stage. Éric étant aussi ton tuteur. Monique Ladessous, qui représente, elle, un collectif national qui milite aussi pour l'accès libre au transport public, l'UGDT, qu'elle présentera, collectif qui sera évidemment destinataire de cette émission. Donc, je le répète, chacune est ici membre d'Attaque, il n'y a pas de secret pour toi. Avant de te donner la parole, Anastasia, il est utile pour nos auditeurs et auditrices de contextualiser la demande que nous avons faite à l'université pour obtenir ta participation pendant 6 mois quand même. Un peu d'histoire donc, et c'est Didier et Éric ensuite qui vont s'y coller. Oui, donc difficile de résumer 7 ans d'histoire en quelques minutes. Bon, la première réunion du collectif pour la gratuité des transports publics à Roubaix donc a eu lieu en décembre 2017. Ça fait presque 7 ans. Donc pourquoi Roubaix ? Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était essentiellement parce que nos démarches auprès de la MEL avaient été on s'était heurté à une certaine opacité, pour ne pas dire plus. Et bon, Roubaix, parce qu'il y avait une pauvreté et une pollution assez importante dans cette ville. Donc bon, notre démarche a été d'abord de faire remplir des questionnaires dans les marchés. Ensuite, on a fait signer des pétitions. Je crois qu'on était arrivé à plus de 1000, donc dans des endroits stratégiques à Roubaix. Il y a eu ce débat public avec Damien Carré, mais donc Fabien Desage sur justement Fabien Carême pour son expérience à Dunkerque et Fabien Desage pour son livre sur la démocratie confisquée. Donc ça, c'était déjà en janvier 2019. Et à la suite de ça, on a fait un peu, on a travaillé avec les comités de quartier pour remplir des pétitions, faire du porte-à-porte, tirer les sonnettes, et d'abord au Cuit-de-Four, un quartier de Roubaix plutôt au nord, et ensuite à Moulin-Potainerie, donc où on a travaillé avec le comité de quartier, notamment par l'intermédiaire de leur journal. Voilà, donc tout ça, ça a été interrompu malheureusement par le Covid en 2000. Bon, on a repris nos activités depuis, avec notamment des recherches en lien avec l'université, mais aussi tout un travail plus sociologique. Et je vais laisser la parole à Eric sur cette question. Oui, on a dû effectivement essayer de s'adapter aux nouvelles conditions de participation des habitants. C'est-à-dire qu'on a, sur une ville de Roubaix qui était exemplaire sur ces processus de concertation, donc la mise en place il y a 40 ans de comités de quartier qui étaient réellement des contre-pouvoirs, l'expérience de l'Almagar à Roubaix qui faisait effectivement là aussi pour la première fois appel aux moyens propres aux habitants, des dynamiques effectivement collectives au niveau des quartiers. Et tout ça, effectivement, c'est amplifié pendant une trentaine d'années et il y a 10-15 ans, a commencé à décliner au vu d'autres types de participation des habitants voulus par les institutions et notamment, effectivement, au niveau de la politique de la ville, qui voulait des, à la fois dans un premier temps des conseils de quartier, après des conseils d'habitants, etc., des conseils citoyens. Donc, notre souci, c'était de se dire que par rapport à une mobilisation qu'il y avait eu dans un premier temps sur la suppression de lignes, on avait une réaction relativement immédiate où les gens se sont mobilisés très rapidement, 200 personnes qui tout de suite ont fait pétitionner, une obligation de la ville de prendre en compte cette, ces manifestations et justement un avis qui a changé et qui a permis justement de retrouver des lignes qui avaient été supprimées en fonction justement de subventions de la MEL. Mais derrière, c'est toujours le même souci maintenant sur la ville de Roubaix, c'est de dire comment on continue, avec les habitants, on arrive à travailler un certain nombre de questions, et notamment celles des transports en commun gratuits. Et plus largement, celles des usages des transports en commun et de la satisfaction dans ces usages. Donc on a fait en sorte, effectivement, de pouvoir retravailler notre façon de penser, notre relation avec des groupes d'habitants. Donc on a souhaité, et c'est comme ça que effectivement dans le recrutement là qu'on a eu avec la boutique des sciences qui proposait, on a eu 8 candidatures d'étudiants, un schéma directeur de concertation, de participation, d'échange avec des groupes existants déjà. C'est-à-dire que, bon, par exemple, je vais prendre celui du Secours Populaire, qui a 250 bénévoles qui vivent et qui font des choses ensemble. Et on s'est dit, partons de ces collectifs existants pour pouvoir introduire aussi ces questions de transport en commun. Et donc, on ajoute Moulin Poténerie et la SLJR, et aussi quartier de la justice. L'association Culture Loisirs Justice à Roubaix aussi, qui était justement qui nous permettait de là aussi dans notre échantillon d'être relativement différenciés en termes de catégorie de population et puis de statut et de mode d'habiter, qui est cette notion que tu as aussi dégagée dans la recherche participative action. Donc notre démarche et notre problématique, c'était de voir comment, à partir de ce qu'on appelle des objets sociaux concrets, les gens pouvaient effectivement répondre aux usages et aux modes de transport qui étaient les leurs et la façon dont ils le vivaient et effectivement quelle était à la fois leur critique, leur analyse positive aussi, et comment il y avait certains sujets qui pouvaient se dégager. Donc on a eu, par exemple, effectivement, l'idée de la gratuité pour les bénévoles qui se déplacent pour pouvoir, effectivement, faire un travail comme ça bénévole dans des structures. Enfin, il y avait des choses qui sont apparues et qui nous ont permis, après, de continuer à analyser, justement, ces modes de transport que les personnes avaient et avec effectivement toute cette recherche participative sur des nouveaux sujets qui ont été abordés après dans nos discussions. Voilà, donc, voilà à peu près le cadre. Je suppose que tu t'y retrouves, Anastasia. Oui, tout à fait. Oui. Bien. Et une question de Didier, déjà, une intervention de Didier. Par rapport à la présentation qui a été faite aussi bien par moi que par Eric, il y avait aussi la dimension du municipalisme qui nous paraît quelque chose d'important. Dans la mesure, enfin, on estime quand même que les municipalités ont un grand pouvoir d'agir justement sur toutes ces questions. C'est pour ça qu'on avait choisi Roubaix, entre autres. En effet, donc, ici, ça a été évoqué rapidement par Eric. Effectivement, on a rencontré des étudiantes. On a essayé d'écrire la démarche que nous voulions. Et puis, ça, c'était un premier travail de savoir en quoi consiste une recherche participative. Tu devrais en dire un mot, je pense. Avec la boutique des sciences, donc la boutique des sciences, j'en dis un mot quand même, est un service de l'université qui fait la liaison entre des associations comme nous et des universitaires, des spécialités d'université. En l'occurrence, ici, pour ce qui te concerne, c'est l'urbanisme et la géographie. Et bien sûr, ton mémoire est surveillé par un professeur d'université qui s'appelle en l'occurrence Marc Dumont et qui a bien apprécié ton travail, si on a bien compris. Bien, on va te laisser la parole pour que tu présentes le travail que tu as fait pendant ces 6 mois. Mais tu n'as pas 6 mois pour le faire. Oui, je vous remercie pour cette introduction. Effectivement, c'était très intéressant pour moi aussi d'arriver dans un contexte dans un contexte qui suivait des mobilisations avec un fort maillage territorial, un fort maillage associatif avec, je sais que ATTAC a su me mettre en contact aussi donc avec les comités de quartier, le secours populaire de Roubaix, comme vous l'avez mentionné, dans le quartier du Cutefour. Donc ça, c'était très intéressant pour moi d'arriver dans ce contexte-là. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que effectivement, la recherche, donc peut-être pour définir un peu les contours de la recherche action participative, c'est un type de recherche finalement qui relève d'une co-construction et d'un partage de savoir entre différentes parties prenantes. Donc là, effectivement, donc on a les parties prenantes majeures, donc à savoir ATTAC, qui formule le projet de recherche, la boutique des sciences avec laquelle les questions de recherche sont construites au fur et à mesure. Et puis donc nous, donc en l'occurrence l'étudiante est effectivement le tuteur universitaire se greffe ensuite. Donc c'est ce qu'on peut appeler les parties prenantes majeures. Mais ensuite, on a toutes les parties prenantes, donc les associations, parce qu'on avait quand même à cœur de ne pas considérer que les personnes étaient simplement des enquêtées, mais vraiment des personnes participantes, des parties prenantes. Donc c'est une recherche-action qui relève de cette co-construction, de cette manière de relever les apports des différentes parties prenantes. Et finalement, c'est aussi intéressant d'un point de vue peut-être épistémologique, ou académique, parce que ça permet aussi d'ouvrir le monde de la recherche avec des résultats qui sont rendus accessibles et voilà, une prise en compte en tout cas des différentes parties prenantes. Et effectivement, dans recherche-action, il y a action. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir permettre ensuite à ATTAC de se saisir des résultats, des principaux résultats obtenus et de pouvoir continuer la recherche. Je ne sais pas ce que vous voulez comment vous voulez que j'introduise un peu. Oui, comment tu as fonctionné dans ce projet pendant les 6 mois et comment, parce qu'il y a quand même un élément important que nous avons signalé la soutenance, que tu as effectivement changé la méthodologie en même temps. Mmh. Tout à fait, oui. Mais d'abord, ton fonctionnement pendant ces quelques mois. Bah, effectivement, donc, quand on est arrivé, il y avait une réunion de formation à la recherche action participative en février. Et c'est là qu'on avait posé les premiers jalons un peu de cette recherche, en tout cas de ce qui allait devenir cette recherche. Et au départ, on s'était effectivement centré plus sur les quartiers, comme vous l'aviez mentionné, de Moulin-Potainerie, Justice et donc avec le Secours Populaire, même si le Secours Populaire ne faisait pas forcément l'unanimité au départ, parce que finalement... c'est une structure, mais ça ne représente pas forcément un quartier. étant donné que toutes les personnes qui fréquentent le Secours Populaire ne viennent pas du même quartier. Oui, pas forcément des Roubaisiens non plus, d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Mmh. Mais on a eu la chance de pouvoir compter aussi sur les personnes qui, au Secours Populaire, pouvaient nous mettre en contact, justement, donc je pense à Arefka, directement avec un échantillon de personnes qui pourraient participer et qui étaient, en tout cas, qui correspondaient aussi aux attentes de la recherche. Parce qu'effectivement, il y a eu quand même des évolutions, notamment... Christian, c'est ce que tu mentionnais aussi, mais une adaptation qui était due au fait que parfois les acteurs concernés ne sont pas forcément disponibles et il faut faire en sorte de faire avancer la recherche quand même. Donc on a su aussi, au départ on comptait beaucoup sur les ateliers participatifs et finalement on n'en a fait que trois, mais pour moi c'était quand même hyper pertinent d'un point de vue... dans votre logique, enfin la logique qui est celle d'ATTEC, d'éducation populaire, parce que c'était quand même, je pense, un des points recherchés que d'insuffler des questions et de voir comment les personnes s'en saisissent, puisque ce sont des questions de mobilité qui concernent les déplacements quotidiens, les modes d'habiter des personnes concernées dans les différents ateliers participatifs. Et comme on n'a pas pu faire autant d'ateliers participatifs qu'on pensait le faire, après j'ai aussi... avec l'accord donc de la boutique des sciences et d'ATTEC et de mon directeur de recherche, pris l'initiative aussi de proposer un certain nombre d'entretiens individuels. Oui. Qui a permis, ce qu'on pouvait avoir, on pouvait peut-être avoir peur que les entretiens individuels individualisent trop les réponses, mais en fait ces entretiens individuels ont permis de créer des idéotypes, c'est-à-dire finalement des abstractions un peu des... à partir de manières de procéder, et donc des modes d'habiter, de rendre compte de la manière de créer des groupes, en fait, finalement, à partir de ces entretiens individuels. Avant ça, je t'interromps une seconde. Oui, explique un peu ce que c'est qu'un atelier participatif, oui. Comment tu as développé, quel outil tu as utilisé avec la population, avec les Roubaisiens et les Roubaisiennes en question. Et, alors, les entretiens les ateliers participatifs, c'était des ateliers, donc on avait en général entre 5 et 9 personnes, 5 et 9 participants, participantes. On rappelait donc la recherche, pourquoi on était là, pourquoi les personnes étaient mobilisées. Et ensuite, s'en suivait un certain nombre d'exercices, on va dire, de questions ou de discussions. En tout cas, c'était donc moi j'ai pas mal produit de cartographie avec Roubaix. L'idée, c'était d'identifier des déplacements quotidiens, des problématiques rencontrées par les personnes au quotidien dans leurs déplacements, et donc d'insuffler ces questions, de faire en sorte que les personnes s'en saisissent. Donc, oui. En général, c'était, on avait fait ça plutôt en après-midi, donc peut-être une demi-après-midi, avec aussi des temps conviviaux. C'était assez informel, finalement. C'était pas l'idée de cadrer beaucoup trop les discussions. Et ce qui a permis finalement, d'une part, donc, de générer des discussions entre les personnes et de faire en sorte qu'elles s'en saisissent, qu'elles se saisissent de ces questions-là. Et d'autre part, moi, de récolter de la donnée aussi à partir donc des remarques, des vécus des personnes. Donc ça a permis aussi de produire de spatialiser finalement les enjeux, les problématiques révélées. Oui, on avait remarqué lors de ces ateliers auxquels on a participé avec Eric, évidemment, que les gens préféraient rester en groupe. Ils étaient, les choses que tu allais aborder là tout de suite, les éléments d'information que tu as acquis, c'est au cours de ces ateliers qui vont te servir ensuite pour les questionnaires, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait... au fur et à mesure, les discussions... donc il y avait toujours des personnes qui étaient peut-être un peu plus... lideuses, mais en tout cas, ça effaçait en rien la parole des uns et des autres, donc c'était intéressant. Et donc il y a des questions, des enjeux qui sont apparus à plusieurs reprises, que ce soit, par exemple, la surfréquentation de certaines lignes, donc ce qui m'a conduit ensuite à proposer de faire des observations à bord de bus pour observer sur ces lignes de bus ce qui se passait. Donc, outre la surfréquentation, c'était notamment les relations qu'il pouvait y avoir entre usagers et usagères entre eux et elles, ou alors entre usagers et usagères et agents Tilévia, ou les conducteurs, surtout les histoires avec les conducteurs. Donc ça m'a amené aussi à faire créer ces observations et à créer une grille d'entretien qui correspondait en fait à des enjeux qui étaient souvent révélés, c'était notamment la question des vulnérabilités. Des personnes qui effectivement avaient des déplacements souvent pour aller à l'hôpital par exemple, ou alors qui avaient de faibles revenus. Donc effectivement, ça rejoignait aussi la question de gratuité des transports, et ce qui m'a permis de construire la grille d'entretien. Oui, alors effectivement, là, tu as construit une grille d'entretien. Alors c'était amusant parce que c'est amusant. Ce que proposait la boutique des sciences, c'est que sur les entretiens, la logique, c'est autour de 12, 14, 15, quoi, maximum. Mmh. Et puis là, tu es allé beaucoup plus loin. Et ce qui a rendu effectivement très riche ton étude en informations sur les modes d'habiter. Et oui, ce serait bien que d'ailleurs tu définisses un peu les concepts que tu as utilisés, puisque tu as utilisé des choses dont on n'a pas l'habitude, c'est des cartes, les concepts dont tu vas parler, et puis en plus les graphiques que tu as utilisés pour placer les gens sur des graphiques en composante principale. Monique a une question. Oui, moi c'était surtout sur la participation des Roubaisiens et des Roubaisiennes. Est-ce que tu as perçu des difficultés quelquefois à s'exprimer, à trouver les mots justes, ou au contraire une volonté de se faire entendre? Et est-ce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes, par exemple? Pour la volonté de se faire entendre, j'ai l'impression que ça dépendait quand même principalement, enfin en tout cas là je reprends la question des ateliers participatifs. Effectivement, déjà à partir de là, on avait quand même deux publics assez différents, mais ça a été dans un cas comme dans l'autre tout à fait intéressant. Donc deux ateliers participatifs faits avec le Secours Populaire dans le quartier du Cudefou, et un atelier participatif avec des membres de l'association Culture Loisirs Justice Roubaix, donc un comité de quartier au sud-est de Roubaix. C'est des publics assez différents, et finalement, donc ce qui s'est passé notamment avec le Secours Populaire, c'est qu'il y avait tout de suite, c'est peut-être aussi de la manière dont on a présenté la recherche, ou je ne sais pas tout à fait, mais je pense qu'il y a vraiment une envie de se saisir de ces enjeux-là, où là, il y avait des personnes qui directement aller dans le vif du sujet en disant bah voilà, non, c'est trop cher, ok, moi j'ai des tarifications sociales et solidaires, pardon, mais ça reste cher, etc. Donc ça dépend peut-être des publics aussi. Dans les entretiens individuels, ça dépendait aussi largement, je pense, peut-être de facteurs extérieurs, enfin les vulnérabilités qui pouvaient aussi structurer, je pense, la demande. Et par contre, effectivement, il y a une représentation plus forte des femmes que des hommes dans cet entretien. Je pense qu'il me semble, de mémoire, si je ne me trompe pas, qu'on a 20 ou 21 femmes et donc 13-14 hommes. C'est ça, oui. Et en fait, donc au départ, ça a été une vraie question que je me suis posée et qu'on s'est posée aussi justement avec mon directeur de mémoire, à voir comment on pouvait faire pour équilibrer un peu le tout. Donc c'est, bon, j'ai quand même réussi à trouver d'autres entrées pour trouver aussi des hommes, et surtout, il manquait un public jeune. Donc ça a été grâce à l'entrée mission locale, par exemple, ou un centre social, que j'ai pu trouver ces personnes-là. Mais en fait, ça traduit une réalité qui est celle aussi qui est constatée par le collectif Rosa Bonheur, un livre donc, qui s'appelle La ville vue d'en bas, dans lequel les chercheurs disent que finalement, les lieux comme donc les centres sociaux, ces lieux un peu associatifs à Roubaix, sont aussi beaucoup fréquentés par les femmes, parce que ce sont des lieux où les femmes échangent entre elles des conseils aussi pour la vie de tous les jours, enfin, où il y a quand même une... C'est assez genré, hein, aussi, dans la manière de s'occuper du foyer, etc. Donc, en fait, c'était aussi normal, finalement, peut-être, d'avoir plus de femmes que d'hommes, je pense. Oui. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, d'autant que ça veut dire que la recherche participative sur laquelle on t'avait aiguillé s'est élargie à d'autres quartiers, et ça, c'est vraiment très intéressant. Une question de Didier. Oui, ce qui nous avait interpellé dans ton étude en tant que militant d'attaque, c'était par rapport à le sujet qui était un peu le nôtre au départ, la gratuité. Bon, ça a évolué vers d'autres champs. Mais ce qui était intéressant à noter, c'est que tu disais notamment que les gens que tu avais interviewés, que tu avais vus, ne parlaient pas spontanément des tarifs et de la gratuité. Tu le confirmes? Oui, ben en fait, mais je pense que ça c'est vrai, c'était pas un problème en soi, mais c'est effectivement ce que j'ai pu remarquer. Parfois, quand on présentait avec ATEC en disant directement bon, la recherche est issue de ce contexte de mobilisation et d'une demande de gratuité de transport, voilà, ça suscitait tout de suite un intérêt. Donc ça, c'est une réalité aussi. Et par contre, pendant les entretiens, si je présentais pas la recherche tout à fait comme ça, ça venait pas forcément tout de suite. Mais par contre, il n'empêche que même si la gratuité n'était pas une demande directement, les enjeux de vulnérabilité économique étaient très prégnants dans tous les cas. Donc ça ressortait aussi. Et je pense que c'est ce qu'on a évoqué aussi pendant la soutenance de mémoire, c'est que finalement, c'est aussi la gratuité, ça soulève un champ des possibles qui n'est pas forcément tout de suite imaginable. Mais en fait, d'en parler ou de voir que les gens subissent des vulnérabilités économiques au quotidien, ça soulève ces questions-là et l'intérêt de soulever ces enjeux, je pense. Un mot peut-être, donc j'y tiens à ces concepts que tu utilises, les modes d'habiter et puis l'expertise d'usage qui nous a semblé vraiment très, très, très motivante pour la suite. Oui, peut-être d'abord les modes d'habiter, c'est un concept que j'ai emprunté à des chercheurs qui s'appellent Marie-Hélène Massot et Jean-Pierre Orfeuille. Et donc en fait, les modes d'habiter, c'est des manières d'être au territoire. Par des pratiques, des usages, des connaissances du territoire, mais aussi des discours et le développement de stratégies qui vont faire entrer des lieux et des espaces dans le quotidien des personnes, que ce soit en fonction de choix, de nécessité ou de contingence. Et ce qui était intéressant aussi avec cette notion, et ça j'y tiens aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'habiter au sens d'avoir un lieu d'habitat, une habitation dans... la commune concernée pour que cette commune fasse partie du mode d'habiter. Donc, ce qui était hyper pertinent, nous, pour les modes d'habiter roubaisiens, en tout cas, parce qu'on a quand même rencontré pas mal de personnes qui ne vivent pas à Roubaix, mais qui ont des activités régulières à Roubaix, ou inversement, des personnes qui habitent à Roubaix, mais par exemple, qui vont faire leurs courses à Roncq, à Ouascal, à Lerse. Donc c'était assez intéressant de pouvoir soulever ça avec ce concept-là. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne les empêche pas d'avoir un mode d'habiter à Roubaix, même s'ils habitent Roncq, en fait, parce qu'ils sont présents sur le territoire de Roubaix. Tout à fait. Et pour l'expertise d'usage, c'était finalement la manière dont, à partir de leur expérience, leur vécu, les personnes généraient un certain nombre de connaissances à propos des mobilités à Roubaix, du territoire. Donc on rejoint la question de l'usage du territoire dont parlait Eric tout à l'heure. C'est vraiment, en fait, je pense que l'idée de la recherche aussi, c'est de reconnaître cette expertise d'usage, de faire reconnaître cette expertise d'usage comme une donnée scientifique concrète, en fait, et pouvoir la faire reconnaître auprès notamment des institutions. Monique. Oui, ce qu'on constate, enfin, ce qui nous a aussi, ce qui nous fait plaisir, hein, c'est que tu mets vraiment le doigt sur des méthodes d'approche, de connaissance des besoins des gens qui sont complètement ignorées des élus, qui prennent des décisions bien souvent n'importe comment. Et du transporteur avec, oui. Et voilà, et sans beaucoup d'intelligence. On crée des lignes, on supprime des lignes sans concertation, mais sans réflexion non plus. Et là, tu mets vraiment les personnes au cœur d'une démarche qui devrait être celle de nos élus. On va essayer de leur faire comprendre. Eric, pour citer un exemple qui nous est arrivé il y a peu de temps sur une... je ne vais pas appeler ça une réunion de concertation, mais une visite guidée des techniciens de la MEL et de la ville de Roubaix, où ils commençaient à concevoir un outil d'analyse sur, effectivement, les usages des personnes qui prennent les transports en commun. Et qu'avant, ça n'était uniquement comptabilisé que par rapport au flux de voitures. Donc, ils concevaient des lignes de bus en fonction du nombre de voitures qui circulaient sur certains axes. Donc on voit bien là qu'on était effectivement, et qu'on est toujours, dans une façon de concevoir les lignes de transport en commun et les tramways futurs sur des données quantitatives qui n'ont peu de sens par rapport aux personnes et ceux qui utilisent vraiment les transports en commun. On le voit d'ailleurs avec les difficultés qu'il y a actuellement sur certaines lignes de métro. Oui, alors on va conclure sur cette partie parce que on a d'autres choses encore à dire. C'est que ce qu'a montré ton travail, c'est effectivement l'expertise d'usage. Et puis tu nous as donné gratifié de 2 pages de propositions d'amélioration dans l'offre de mobilité sur le territoire. Et, j'en cite quelques-unes. Donc pallier la surfréquentation des transports en commun. Et les gens demandaient l'amélioration de la fréquence et de la desserte, améliorer la fréquence le week-end, c'était pas mal dit ça, les réserver des navettes pour le scolaire et développer les bus accordéons parce qu'ils savent que ça existe, mais ça tient pas dans leur quartier. D'autres thèmes, c'est rendre les transports en commun accessibles à tous et à toutes, aérer, climatiser, sensibiliser les usagers et les agents d'Ilévia aux différents handicaps, aménager les transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Les gens sont... C'est pas que tu as rencontré des handicaps, c'est des handicapés, ce qui est vrai d'ailleurs. C'est aussi que les gens remarquent ça. C'est pas seulement les personnes qui sont directement concernées par le handicap ou les vulnérabilités, comme tu l'as dit. Développer les modes de transport alternatifs, améliorer les aménagements cyclables, on a pensé aussi à ça. Et on n'a pas oublié la voiture, d'ailleurs, dans les différentes propositions. Donc ça nous a semblé effectivement très précieux, comme le précise Monique, et confirmé par Eric. Tu nous as apporté quelque chose de très important là-dedans. Oui, j'ai l'impression quand même que c'est effectivement cette expertise d'usage qui se concrétise aussi par des propositions concrètes, pardon, et qui manifestent en tout cas que les personnes rencontrées ne sont pas simplement des personnes qui subissent leur quotidien, ce sont des personnes qui remarquent ce qui ne va pas, qui peuvent aussi faire des propositions concrètes. Et donc c'est ce qu'on a appelé dans le mémoire les agentivités rationnelles. Finalement, c'est montrer qu'il y a une capacité à agir, mais une capacité aussi à proposer des choses en fonction de ce que les personnes vivent au quotidien, quoi. Entendu. On va passer à la suite. Tu restes avec tout, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire la suite pour Attaque? Donc c'est la pertinence de l'étude. Oui, on a déjà dit un mot. Hein. C'est ça maintenant, c'est comment effectivement on arrive à restituer les enseignements de cette recherche participative et qu'on puisse effectivement arriver à mieux cibler les éléments de débat qui pourraient se construire sur la ville de Roubaix. Donc, on vient d'en citer un certain nombre. Je repense souvent effectivement ce qui était évoqué, par exemple, justement sur les déplacements liés aux problématiques de santé, l'hôpital de Roubaix, l'hôpital de Villeneuve-d'Ascq, enfin ces trajectoires qui ne sont pas effectivement reconnues comme étant d'utilité sociale par les institutions. C'est-à-dire que, bon, finalement, les choses peuvent se dégrader, on peut mettre des parkings payants à l'hôpital, les gens, même avec le bus, il y a une vraie difficulté pour y accéder. Il y a même eu des accidents assez fréquents sur ce boulevard qui dessert l'hôpital. Donc, c'est typiquement ce type de démarche qu'on souhaite maintenant, effectivement, construire avec... les partenaires qu'on a mobilisés, parce que nous, on va effectivement aussi leur restituer les éléments, peut-être pas sous la forme complète de l'étude, mais en tirer effectivement les éléments de synthèse les plus significatifs, qui nous apparaissent les plus significatifs, mais à débattre aussi avec justement les habitants. Comment on fait, en effet, pour reprendre certains sujets et remobiliser l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire, on va dire des associations. Donc là aussi, dans ton étude, tu rappelles que la Maison des associations de Roubaix, justement, a joué un rôle important aussi dans la connexion avec des habitants. Donc c'est comment, là, maintenant, on organise et on structure sur des sujets qui concernent concrètement les personnes et comment on leur redonne par là aussi des capacités d'agir, des reprises de pouvoir, justement, d'agir sur les politiques qui sont menées, alors à la fois municipales, mais aussi au niveau communautaire. Le président de Attaque Roubaix Tourcoing. Oui, le président d'Attaque Roubaix Tourcoing. Juste un bref commentaire pour dire que, quand même, devant une étude aussi riche qui est surtout consacrée aux usages et des transports en commun, enfin, maintenant il va y avoir un vrai problème pour nous, même si c'est un enrichissement qui va être justement de lier notre activité militante avec les enseignements de cette recherche. Et bon, l'articulation est loin d'être évidente, quoi. Donc c'est aussi un travail de réflexion que nous, on va devoir mener. Autrement dit, on n'a pas fini de lire ton mémoire. Monique. Oui, alors moi, je vais vous parler d'un mouvement national qui s'est constitué au fil des ans, d'ailleurs, qui s'appelle l'UGDT, l'Union pour la gratuité et le développement des transports. Et il s'agit bien sûr des transports publics urbains. Alors, cette union qui s'est constituée cette année, c'est un mouvement qui travaille depuis 2016, qui est parti de Grenoble et qui rassemble entre 20 et 30 mouvements locaux qui réclament la gratuité. Et là, je m'arrête tout de suite sur la définition de ce qu'on attend. Nous réclamons la gratuité totale, une gratuité émancipatrice qui n'a rien à voir avec les mesures que peuvent prendre les collectivités ici ou là pour telle ou telle catégorie sociale. Les solidaires. Voilà, donc c'est ce qui nous unit. Maintenant, chaque mouvement local se construit avec les forces qu'il a et puis avec son histoire. Nous, depuis 2016, nous travaillons à partir de Roubaix, comme ça a été dit, parce qu'il s'agit d'une ville, la ville la plus pauvre et puis par certains aspects la plus riche, mais enfin, en ce qui nous concerne, la ville la plus pauvre, mais aussi une ville qui a gardé des possibilités d'agir et de mobilisation des populations avec des comités de quartier comme il n'y en a plus aucun dans les autres villes de la métropole, il faut quand même le remarquer. Et ce sont nos partenaires principaux dans ce travail. Alors, ce qui est important, et ça a été dit dans l'étude, et c'était aussi notre démarche, c'est de mettre au cœur l'usager. Donc l'UGDT, comme nous à ATTAC, nous sommes très différents des mouvements qui représentent soi-disant les usagers. Nous avons la volonté de faire de ce combat un combat véritablement politique, parce qu'il nous semble que il ne s'agit pas simplement de revendiquer des améliorations pour les usagers, mais de prendre toute la mesure de l'enjeu politique de ce combat pour des transports en accès libre. L'enjeu, il est évidemment autant social qu'écologique, ça, on n'arrête pas de le dire. Et dans les actions qui vont être les nôtres, évidemment, il va y avoir la continuité de mobiliser les usagers, les aider à prendre la parole et à exprimer leurs désirs et leurs besoins, mais également un gros travail à faire avec les élus. Alors les élus, d'abord les élus locaux, qui se sont vus ces derniers temps dépossédés de leur pouvoir d'agir sur certains sujets, et en particulier sur les transports, puisqu'aujourd'hui, l'autorité organisatrice des mobilités, c'est la métropole. Et qu'on sait comment se prennent les grandes décisions dans la métropole, c'est entre maires qui échangent quelques idées, quelques enveloppes, mais rien ne se fait dans une véritable concertation. Et nous, à ATTAC, on est très attachés à remettre de la démocratie locale et participative partout où il le faut. Donc les élus locaux, bien sûr, mais également des députés et les sénateurs, puisque si on parle de financement, alors jusqu'à présent, ça n'a pas été vraiment notre sujet principal, parce qu'on sait que le financement des transports publics urbains peut se faire sur fonds publics, donc à condition d'en faire un sujet politique et de considérer qu'il s'agit d'un droit à la mobilité et certainement pas d'une logique, et sortir d'une logique marchande dans laquelle les élus sont encore enfermés. Donc travailler avec les députés, parce que le financement aujourd'hui, si on prend la répartition des financements des transports publics urbains, eh bien, ce sont les entreprises avec le versement mobilité qui payent presque la moitié des coûts des transports. Et là, ce taux, le taux de prélèvement, est plafonné par l'État. Donc il y a une bataille à mener au niveau national avec les députés pour essayer de concevoir autrement la possibilité pour les élus locaux de moduler le prélèvement auprès des entreprises qui s'en sortiraient pas plus mal d'ailleurs. La deuxième source de financement, ce sont les subventions, donc déjà les subventions locales, donc évidemment la taxe foncière et autres subventions, et l'État dans cette répartition se charge modestement de 2% du financement des transports publics urbains. Et ça aussi, ça mérite d'être travaillé avec nos élus nationaux que sont les députés et en particulier les députés du nouveau Front populaire. L'UGDT s'est adressé à eux d'ailleurs aujourd'hui sans beaucoup de réponses. Alors j'en profite pour les appeler, pour ceux en tout cas d'entre eux qui nous écoutent, à réagir à nos sollicitations. On n'est pas une chaîne nationale, mais effectivement, le message est passé à nos élus. On a rencontré effectivement le maire de Fâche-Thumesnil, qui nous dit que, de toute façon, le fait d'avoir supprimé la taxe d'habitation a bridé les actions des maires, en l'occurrence. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On va te laisser le mot de la fin, Nastassia. En te remerciant d'ailleurs. Non, mais je vous remercie. Et puis, en tout cas, c'était vraiment pour moi une expérience de stage très, très enrichissante. Et j'espère que vous allez pouvoir aussi continuer, en tout cas, dans la direction qui est la vôtre. Et puis, moi, je me tiens aussi prête, si vous avez besoin, dans tous les cas, pour continuer à interagir. Parce que ce sont des questions qui, au-delà du simple rendu académique et de la simple nécessité de valider mes années d'études, c'est aussi des questions qui m'animent au quotidien, enfin, en tout cas qui m'interrogent beaucoup et qui m'intéressent. Mais ce qui a fait qu'on s'est très bien entendu tout au long de ce stage avec Eric et toi et moi. Voilà, on termine là-dessus. Merci encore. Bonne chance pour ta thèse, puisque c'est parti dans quelques jours. Tu te reposes encore, j'ai compris. Et à bientôt. À bientôt. On t'embrasse tous.